to find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, a day when I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will. Is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Énergie Nouvelle-Calédonie. And you're listening to Energy 93.5. Bonjour, ça va être votre fête. Si vous appelez Adrien ou encore Adrienne, sinon pour les autres, faudra patienter. Il est 6h dans la radio, bonjour à tous. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour vous informer, ce sera Delphine. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Retour sur l'attaque mortelle de requin. Au regard de la taille de la morsure, la cuisse droite, les avis des spécialistes pensent qu'il s'agit d'un requin-tigre qui devait mesurer entre 3,20 m et 3,50 m. Et puis le jeune homme de 19 ans qui a avoué avoir violemment agressé le diacre et son épouse à leur domicile de Coutu la semaine dernière a été placé en détention provisoire au camp Est. Les 5 autres jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire. Avis aux usagers de la VDO, la voie de dégagement ouest. Ce jeudi, très tôt, dès le matin, la bretelle de sortie en direction de Rivière-Salée sera réduite à une voie à cause de chantier du futur néobus. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi qui crée et encadre le statut de délégué de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Un sujet de Clémentine Guenois retrouvé à partir de 7h. Une voiture contenant plusieurs bonbonnes de gaz trouvée le week-end dernier au cœur de Paris sans dispositif de mise à feu. Une découverte suspecte qui a déclenché sur fond de menaces d'attentat une enquête antiterroriste et l'arrestation de deux personnes. Au deuxième jour de son procès, Jérôme Cahuzac avoue tout. L'ancien ministre du budget a assumé ses actes. Ce que j'ai fait, dit-il, est accablant. Les peurs liées à l'alimentation ne cessent de croître dans le monde. C'est l'un des principaux enseignements de l'étude TNS Sofret sur les attentes des consommateurs. Enfin, l'UNICEF est inquiète. Près de 50 millions d'enfants à travers le monde vivent déracinés après avoir été obligés de quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres, des violences et des persécutions. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Dicos, Zico Paita et Point Boot. Est-ce qu'ils connaissent cette musique ? Monsieur Spock, Star Trek. Et oui, ça va nous emmener dans un voyage dans le temps, mais c'est justement le but de cette rubrique, une date dans l'histoire. On en parle dans 3 minutes, mais oui, il avait des grandes oreilles, comme toi. Oui. Pointues, elles sont pas pointues. Les oreilles de Spock. Ah bah si, elles sont pointues. Non mais tu dis moi, des grandes oreilles, elles sont pas pointues les miennes. Ah mais si, ah mais... Ah ben non, on n'a jamais osé me le dire, c'est ça. Eh oui, ça c'est pas ce matin, c'est pas ton bonnet. Non, non, c'est tes vraies oreilles. T'es un peu trop en forme, je trouve. Bon, bah, je me rendors le temps de Synapson sur Énergie avec All In You. C'est un jour, un événement. Alors, nous allons plonger dans l'histoire. Bon, on y va pour la musique, peut-être. On l'a eu il y a quelques instants. Envoyez ça, voilà. Et oui, Star Trek, le 8 septembre 1966. C'est effectivement la plus célèbre des séries télé de science-fiction qui sort sur la chaîne de télévision américaine NBC. Il y aura 79 épisodes de 48 minutes qui seront diffusés de 1966 à 1969. Les aventures du capitaine Kirk et de Monsieur Spock seront diffusées en France à partir de 1982 sur TF1. Oui, c'était 69 aux États-Unis, 82 sur TF1, parce que nous, avant, on avait d'autres séries super intéressantes, passionnantes à diffuser, comme les Maigret et tout ça. Donc, il a fallu attendre d'épuiser ces stocks-là. Et puis après, on s'est mis au goût du jour. Et c'est en 1986 que Star Trek fera son apparition sur la chaîne, sur la 5. Ben voilà, ça nous replonge dans le passé. Et pour revenir en 2016, voici dans quelques instants le meilleur de la ZIC sur Énergie. Il y aura notamment Neon Trees. Ah, excellent. Pour patienter un petit extrait, ben, y a moyen. C'est bon, c'est gai, c'est frais. Si sur la route, vous avez des choses à nous signaler, 05 34 34, on est à votre écoute. Énergie Nouvelle-Calédonie. Pour ta santé, bouge au moins 30 minutes par jour. Comme si j'avais le temps d'aller faire du sport. Mais maman, tu peux aussi bouger à la maison. Et bouger à ton travail. Ou en faisant les courses. Ou à chaque fois que je dois me déplacer, alors. Tu sais, j'ai vu plein de bonnes idées sur Internet. Tu veux que je te les montre ? Toi aussi, pour bouger malin au moins 30 minutes tous les jours, découvre plein d'astuces sur Facebook et www.mangemieuxbougeplus.nc. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Ça y est, le complexe de Soccer NC a ouvert ses portes en partenariat avec Énergie. T'es un passionné de foot ou de futsal, le soccer est fait pour toi. Jusqu'au 9 septembre, c'est free. Alors monte ton équipe de 5 personnes maximum et découvre gratuitement pour 30 minutes le revêtement spécialement conçu pour le soccer des terrains indoor et outdoor. Entre deux matchs, fais une pause au clubhouse dans une ambiance sportive et conviviale. Le complexe de Soccer NC, ouvert 7 jours sur 7, c'est à Ducos. Entrée gratuite jusqu'au 9 septembre. Ouverture officielle le 10 septembre. Toutes les infos et le plan d'accès sur Facebook Soccer NC Ducos. Réservation au 94 68 69. Ce samedi 10 septembre, dès 9h, pour soutenir les différents projets du lycée Saint-Jean 23 à Païta, l'APE organise une journée de vente et un loto bingo. Profitez d'animations, maquillage, pêche à la ligne, travaux de couture et une tambola avec de nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place, l'APE convie tous les parents d'élèves pour leur participation en don et pour l'organisation des stands. Ce samedi 10 septembre, dès 9h, participez au loto bingo du lycée Saint-Jean 23 à Païta. Info au 35 21 28. Le Car Park de Nakutacoin fête ses 10 ans en faisant la course du 17 septembre. Envoie carte énergie au 4011. Toi et tes potes, vous avez plus de 16 ans et vous rêvez de représenter énergie en participant à cette course d'endurance de 5 heures? Envoie carte énergie au 4011. Constitue ton équipe de 8 pilotes et gagne ton inscription d'une valeur de 75 000 francs en envoyant carte énergie au 4011. Tirage au sort de l'équipe gagnante le lundi 12 septembre à 14h. Envoie carte énergie au 4011, 368 francs le SMS. Et gagne l'engagement de 8 pilotes pour l'endurance du 17 septembre. La course d'endurance du Car Park Pacifique, c'est samedi 17 septembre à partir de 17h sur le circuit de Nakutacoin. Envoie carte énergie au 4011. Jeu gratuit, bulletin disponible à énergie. Le Caillafou Show. Avec Signal, faites de votre sourire votre plus bel atout avec des dents en pleine santé et éclatantes de blancheur. Le Caillafou Show. De la musique, des jeux, des rubriques et un animateur déjanté. C'est le Caillafou Show de 16h à 19h. Le Caillafou Show. Avec Signal, vous aussi relevez le défi quotidien. Brossez-vous les dents deux fois par jour. De 16h à 19h, devient complètement Caillafou sur Énergie. Énergie. Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. So busy. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Nous sommes le 8 septembre et chaque année, on célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation. Son objectif est de souligner l'importance de cette alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités, des associations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près d'une personne sur sept est illettrée et sur les 860 millions d'illettrés dans le monde, 500 millions sont des femmes. On fait un point météo, on vous parlera tout à l'heure également de la deuxième journée mondiale. C'est là celle de la physiothérapie, de la kinésithérapie. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Une adresse pour vous meubler, Meubles Import, des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. Le Ciné City présente Ben-Hur en 3D. Combien de temps as-tu été l'esclave de Rome ? 5 ans. Comment t'appelles-tu ? Ben-Hur. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Il y a un moyen. Tu peux battre ton frère dans l'arène. Ben-Hur en 3D, actuellement au cinéma. Ciné City, projecteur d'émotion. Hey la bande, avec Orangina on peut gagner un voyage de ouf en Nouvelle-Zélande pour 4 personnes. Ouais, j'ai vu ça, il y a du saut à l'élastique, canyoning, rafting, parapente. Et on fait comment pour jouer ? Tu vas juste sur www.orangina.nc. Bah on attend quoi pour s'inscrire ? Rien, je prends mon tel. www.orangina.nc, c'est parti. Orangina ! Ouais, j'ai gagné ! Ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour ? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 4 Ford Ranger, 4 iPhone, 4 iPad et des bons de carburant. Jeux gratuits sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Envoie Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Ce vendredi soir à l'aquarium, venez à la rencontre des dernières sirènes, les dugongs. Au programme, animation, conférences et jeux de piste sur les dugongs. Et toutes les demi-heures comptent sur les sirènes et balais aquatiques dans le bac des tortues. Programme complet sur la page Facebook et le site internet de l'aquarium des lagons. La nocturne dugong à l'aquarium, c'est ce vendredi de 17h à 21h. Et toujours au tarif réduit spécial nocturne. Energy News. Energy News, c'est tous les jours de la semaine à partir de 11h avec la Maison du Pneu, importateur exclusif des pneus Kumho et Hankook. De l'actu qui va à l'essentiel, mais aussi des mags sur des sujets qui intéressent les Calédoniens. Mais Energy News, ce n'est pas que de l'info. Musique, humour et jeux sont aussi au programme. Energy News, de 11h à midi, avec la Maison du Pneu, 5 adresses. Vallée du Tir, Ducos, La Foy, Bourail et Conné, 27-24-61. Un météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point établi par Météo France. Ce matin, en Loyauté, les nuages sont nombreux et s'accompagnent d'averses. Sur le reste du pays, le soleil domine, mais reste contrarié sur l'est par des passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Des averses qu'on a eues bien fortes hier, un petit peu dans la journée, fin de matinée, et puis également hier soir. Alors cet après-midi, les éclaircies gagnent du terrain sur le sud des Loyautés. Une averse n'est pas exclue sur OVA. D'ailleurs, le soleil reste au rendez-vous. Toutefois, les nuages qui se développent sur le relief peuvent donner une averse isolée localement débordant sur l'extrême nord de la Grande Terre. Du côté des températures, on est stable encore. 24 à 28 degrés du sud au nord. Demain, le beau temps se maintient, même si quelques ondées matinales sont possibles sur l'est, l'extrême sud et les Loyautés. Énergie, 6h23, bon réveil. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Fallait que je m'en aille, je n'étais plus moi. be free of the heart. I wanna be ready, ready to start on a love journey. Écoutez, Lenny Kravitz jusqu'au bout, là, pour une petite minute de retard, vous ne vous en voudrez pas. Et il est 6h31, bonne fête Adrien et Adrienne. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Retour sur l'attaque mortelle de requins. Le corps du kitesurfeur australien tué mardi à Kumak a été rapatrié à Nouméa pour y être autopsié. Au regard de la taille de la morsure à la cuisse droite, les avis des spécialistes pensent qu'il s'agit d'un requin-tigre qui devait mesurer entre 3,20 m et 3,50 m. Par respect pour sa vie privée, le consulat général d'Australie a choisi de ne pas révéler son identité. Une assistance consulaire à la famille de la victime a été mise en place. L'agresseur présumé du diacre Henri est en prison, comme on pouvait s'y attendre. Le jeune homme de 19 ans qui a avoué avoir violemment agressé le diacre et son épouse à leur domicile de Coutiot le 29 août a donc été placé en détention provisoire au camp Est. Inconnu de la justice et originaire de Dombéa, les 5 autres jeunes impliqués dans le cambriolage ultra-violent ont donc été libérés mais placés sous contrôle judiciaire. À la suite de leur présentation devant le juge d'instruction, ils ont tous été mis en examen. La bretelle de Rivière-Salée roulera sur une voie aujourd'hui. Avis donc aux usagers de la voie de dégagement ouest. Ce jeudi, dès tôt le matin, la bretelle de sortie en direction de Rivière-Salée sera donc réduite à une voie pour cause de chantier du futur néobus. Et vu le trafic à cet endroit et les bouchons aux heures de pointe, mieux vaut s'attendre à une circulation peut-être un peu compliquée. Et puis à Paris, une voiture pleine de bonbonnes de gaz retrouvée près de Notre-Dame. Deux suspects sont donc en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Il s'agit d'un homme de 34 ans et d'une femme de 20 ans. 29 ans. Tous deux sont connus des services de renseignement pour s'être montrés favorables aux thèses de Daesh. Et l'affaire est prise très au sérieux compte tenu du contexte. La section antiterroriste de la brigade criminelle et la direction générale de la sécurité intérieure ont donc été saisies dimanche après le témoignage d'un employé de bar qui avait remarqué voiture, feu de détresse allumé depuis de nombreuses heures et sans plaque d'immatriculation. Il avait repéré une bonbonne de gaz ainsi que des documents écrits en arabe. Les démineurs se sont rendus sur place et ont découvert les 7 bonbonnes pleines mais sans système de mise à feu. Au deuxième jour de son procès, Jérôme Cahuzac avoue tout. L'ancien ministre du budget a assumé ses actes. « Ce que j'ai fait est accablant », répète-t-il à plusieurs reprises, alors que le tribunal correctionnel de Paris se penche sur ce que est devenu son compte suisse après 1994. À partir de cette date, il reconnaît avoir fait un usage personnel du compte qu'il affirme avoir créé pour financer les campagnes de Michel Rocard. Enfin, l'UNICEF est inquiète. Près de 50 millions d'enfants à travers le monde vivent déracinés après avoir été obligés de quitter leur foyer ou leur pays en raison de guerres, des violences et des persécutions. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Put your flags up in the sky. crossroads for a brand new day. You're no guy to buy my soul. I spend all night and day. How much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Ah tiens, on a des services après-vente de sociétés qui savent vous répondre. À quelqu'un qui avait envoyé à Carrefour France, salut, ça va, j'ai volé un de vos chariots, ça rend hyper bien dans ma salle de bain. Le service consommateur a répondu, si c'est pour faire une baignoire, on est au regret de vous annoncer que ça ne marchera pas. Pas mal. 6h42, c'est l'horoscope. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 8 septembre, votre horoscope avec pour commencer les béliers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne ferez rien à moitié. Attention, journée exceptionnelle. Taureau, vous vous efforcerez d'arrondir les angles avec vos amis, particulièrement pour éviter les tensions. Gémeaux, d'humeur joyeuse, vous ferez en sorte que tout votre entourage le soit également. Cancer, les sentiments et l'attirance que vous éprouverez l'un envers l'autre seront décuplés. Vous serez tyrannique, les lions, inutile de vous préciser que jouer au chef, si ce n'est pas votre fonction, déplaira à la hiérarchie. Vierge, une journée introspective s'annonce, vous aurez à cœur d'examiner votre engagement sentimental. Balance, vous oserez exprimer vos désirs et vos attentes, le dialogue sera facile. Scorpion, ne vous montrez pas têtu en prenant à votre charge des tâches ingrates qui vous fatigueront. Sagittaire, attendez-vous à de la contrariété, vous aurez du mal à imposer votre autorité. Capricorne, vous vous emploierez à profiter pleinement des plaisirs de la vie. Si quelqu'un vous plaît, les Verseaux, vous saurez lui parler, le séduire, le convaincre. Les Poissons, ambitieux, optimistes et volontaires, rien ne vous résistera. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Just running in my head, it has been my surprise. If it was back, good things phrase is true. No, no, no, no, no. But just a desire inside, cause you know the feeling is strong. Share the smooth, with all the rumors, the consumer has a good pleasure. If you expect good things, and good things come to you. Keep flowing the rivers, keep singing the birds. No matters how we're running, yeah, yeah, yeah. When the ground opens wide, right there where you stand. One step right, one step forward. Shake your back and go where you wanna go. You'll lift yourself up. Sun in my eyes, I wake up this morning. In my head, I expect my surprise. If you expect good things come to you. I'm relaxed down the street, no trouble, no shit. Take it, my rule of life, easy first is. If you expect good things come to you. I will break the chains, will break the spell. My body's on the mission, leave the man to pass. Cause you can. To be on your face. So you can be characters. Hell no, no, no, no, no, no. The stars are right below, right below. But they watch by the flow. Just cause you said so. Everything has a good side, don't let sadness keep you blind. If you expect good things, oh, no. If you expect good don't things, don't let keep you blind. If you expect good things, good things come to you. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. On vous parle dans un instant d'Adrien, le prénom du jour. On va voir du côté de Delphine pour l'info. Eh bien, on en sait un peu plus sur le requin qui a attaqué le kitesurfer. Apparemment, c'est un requin tigre de plus de 3 mètres et on en parle dès 7h. Dès 7h, donc. Aujourd'hui, on parle... Adrien et Adrienne, mais oui. Alors, c'est un prénom très à la mode. Il est dérivé d'Adria, la ville de Vénétie, qui donnera son nom à la mer Adriatique. Et il est le patron des messagers, Adrien. Quel charme et quelle présence sécurisante. Assurément, Adrien ne laisse pas indifférent. Ne laisse pas indifférent, oui, calme, posé et équilibré. Il est désireux de plaire et de faire plaisir. Au niveau de la popularité, ben c'est un prénom fréquent. En 1991, c'était sa meilleure année, 4357 naissances. En 2013, pas moins de 1060 garçons ont reçu ce prénom d'Adrien. Et l'âge moyen d'Adrien à ce jour est de 41 ans. Énergie Nouméa, 93.5. Tu cherches un bateau ou tu veux équiper ton bateau? Pense Speed Marine, membre du réseau Acastillage Diffusion à Nouville-Plaisance et sur Facebook Acastillage Diffusion NC. L'apprentissage est pour la messagère, pour l'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est pour la messagère. Le Festival Culture et Nature, les couleurs de Deva, est de retour les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Plus d'informations sur province-sud.nc. Les Bois du Pacifique. Essence noble, bois de construction, agencement et déco. Les Bois du Pacifique, 29 avenue de la baie de Coutu à Ducos ou sur Facebook. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville.

avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Il est 7h et nous avons deux fêtes à vous souhaiter, celle d'Adrien, le patron des messagers, et d'Adrienne. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. C'est un requin-tigre de plus de 3 mètres qui a attaqué le kitesurfer à Koumac et puis une voiture pleine de bonbonnes de gaz découverte près de Notre-Dame à Paris. Deux suspects sont en garde à vue. Enfin, près de 50 millions d'enfants déplacés dans le monde. Jeudi 8 septembre, bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. On revient sur l'attaque mortelle de requin. Le corps du kitesurfer australien tué mardi à Koumac a été rapatrié à Nouméa pour y être autopsié. Au regard de la taille de la morsure à la cuisse droite, les avis des spécialistes pense qu'il s'agit d'un requin-tigre qui devait mesurer entre 3,20 m et 3,50 m. Par respect pour sa vie privée, le consulat général d'Australie a choisi de ne pas révéler son identité. Une assistance consulaire à la famille de la victime a été mise en place. Le quinquagénaire était clairement amoureux de l'océan. Sur les 56 attaques recensées en Nouvelle-Calédonie depuis 1958, 12 ont été mortelles. L'agresseur présumé du Yak Henry est en prison. Et comme on pouvait s'y attendre, le jeune homme de 19 ans qui a donc avoué avoir violemment agressé le diacre et son épouse à leur domicile de Coutio le 29 août, a donc été placé en détention provisoire au camp Est. Inconnu de la justice et originaire de Dombéa, les 5 autres jeunes impliqués dans le cambriolage ultra-violent ont eux été libérés et placés sous contrôle judiciaire. À la suite de leur présentation devant le juge d'instruction, ils ont tous été mis en examen. Info trafic à présent avec la bretelle de Rivière-Salée qui roulera sur une voie ce jeudi. Et oui, avis aux usagers de la voie de dégagement ouest. Aujourd'hui, depuis tôt ce matin, la bretelle de sortie en direction de Rivière-Salée est réduite à une voie pour cause de chantier du futur néobus. Vu le trafic à cet endroit et les bouchons aux heures de pointe, mieux vaut s'attendre à une circulation peut-être compliquée. Des délégués de la Nouvelle-Calédonie à des postes clés. L'accord de Nouméa prévoyait la possibilité pour le territoire d'avoir des représentants dans les pays de la zone pacifique. Le gouvernement a donc examiné un avant-projet de loi qui crée et encadre le statut de délégué de la Nouvelle-Calédonie dans cette zone. Philippe Dunoyer, porte parole du gouvernement, précise les conditions de création de ce statut. Pour pouvoir avoir des représentants de la Nouvelle-Calédonie dans les représentations diplomatiques de la France dans le Pacifique, il faut pouvoir les sélectionner, créer donc un concours, prévoir leur formation et ensuite leur permettre de devenir fonctionnaires, enfin agents de droit public plus exactement. En fait, en résumé, un concours sera ouvert à des personnes qui ont une forte expérience en matière de droit international, un très très bon niveau d'anglais. S'ils franchissent ce cap de la sélection, ils seront ensuite envoyés en formation pendant 9 mois à Sciences Po avec des stages en immersion. Et s'ils valident ce cursus de 9 mois de formation, ils seront donc officiellement reconnus comme délégués, entreront dans ce statut et pourront ensuite être affectés dans les pays de la zone où la Nouvelle-Calédonie souhaitera avoir une représentation. Donc grâce à ce statut, on a la continuité de la volonté politique originelle émise dans l'accord de Nouméa et de l'intention qui s'était manifestée en 2012 par une convention déjà entre le ministère des Affaires étrangères, Paris, et la Nouvelle-Calédonie. Leur mission sera de représenter les intérêts de la Nouvelle-Calédonie dans des postes diplomatiques et consulaires auprès des organisations régionale océanienne et de l'Union européenne. La création de ce statut donne un outil supplémentaire au territoire pour élaborer sa propre politique régionale. À Paris, une voiture pleine de bonbonnes de gaz retrouvée près de Notre-Dame. Deux suspects sont en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Il s'agit d'un homme de 34 ans et d'une femme de 29 ans. Tous deux sont connus des services de renseignement pour s'être montrés favorables aux thèses de Daesh. L'affaire est prise très au sérieux compte tenu du contexte et des investigations se poursuivent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet antiterroriste. terroriste pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La section antiterroriste et de la brigade criminelle de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ont donc été saisies après le témoignage d'un employé de bar qui avait remarqué une voiture feu de détresse allumée depuis de nombreuses heures et sans plaque d'immatriculation. Il avait repéré une bonbonne de gaz ainsi que des documents écrits en arabe et des mineurs se sont rendus sur place et ont découvert les 7 bonbonnes, elles pleines mais sans système de mise à feu. Au deuxième jour de son procès, Jérôme Cahuzac, à vous tout. L'ancien ministre du budget a assumé ses actes mercredi. Ce que j'ai fait est accablant, répète-t-il à plusieurs reprises alors que le tribunal correctionnel de Paris se penche sur ce qui est devenu son compte suisse après 1994. À partir de cette date, il reconnaît avoir fait un usage personnel du compte qu'il affirme avoir créé pour financer les campagnes de Michel Rocard. Il avoue avoir été pris dans une mécanique très dure à arrêter après l'ouverture d'un premier compte donc destiné aux campagnes de Michel Rocard. La crainte du risque alimentaire gagne du terrain. En effet, les peurs liées à l'alimentation ne cessent de croître dans le monde. C'est l'un des principaux enseignements d'une étude TNS Sofret sur les attentes des consommateurs réalisée au printemps dans 14 pays à l'occasion du Salon international de l'alimentation qui se tiendra du 16 au 20 octobre en Seine-Saint-Denis. En moyenne, les deux tiers des personnes interrogées jugent ainsi probable le risque de l'alimentation pour leur santé. Si les différences entre pays sont notables, le chiffre est impressionnant et sa progression avec plus 13 points en 4 ans aussi. Pis encore, un consommateur sur 5 est, je cite, convaincu de la réalité du danger. Tous les pays sont concernés par l'augmentation du risque perçu. Le nombre d'enfants réfugiés a doublé dans le monde. L'UNICEF est inquiète. Près de 50 millions d'enfants à travers le monde vivent déracinés après avoir été obligés de quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres, des violences et des persécutions. Fin 2015, environ 31 millions d'entre eux étaient des réfugiés et 17 millions étaient des déplacés à l'intérieur de leur pays. En 2015, environ 45% des enfants réfugiés placés sous la protection de l'ONU étaient originaires de Syrie et d'Afghanistan. On passe à l'info insolite. La plus belle performance athlétique de l'été 2016, JB, n'a peut-être pas eu lieu pendant l'Euro ou les Jeux Olympiques de Rio, mais peut-être vendredi 2 septembre. Et ça s'est passé dans un amphi de l'université de l'État de l'Ohio aux États-Unis. Vinnie Forte, tiens-toi bien, a lancé depuis la mezzanine une boule de papier qui a traversé la salle et atterri dans une poubelle. Mais ça va pas, Delphine, t'as craqué. C'est à peu près ça. Performance remarquable et appréciée à sa juste valeur. Vidéo retweetée, machin, tout ça. Tu me dis, mais il n'y avait pas le prof dans la salle à ce moment-là? Bah, certainement que si. Eh bien si, il y avait le prof. Et il faut savoir que cette boule de papier a été jetée sous les yeux du professeur de chimie organique. Il faut savoir qu'en fait, l'enseignant a l'habitude, dans le cadre de son cours, sur recours sur la réaction que tu connais bien, acido-basique, d'illustrer le transfert du proton à l'aide d'une boulette de papier. Ok? Ok. Voilà. Et à l'aide de la démo, eh ben, il propose chaque année un élève. Mais 13, je suis largué là déjà. Bon, le proton, il te montre que le transfert est avec d'accord, une boule de papier qui lance. Okay. Voilà. Et à la fin de la démonstration, chaque année, il propose à un élève d'essayer de lancer la boule, la dite boule en papier, dans une poubelle. Et si l'étudiant y parvient, eh bien, le bonus, c'est 100% pour tout l'amphi à l'examen qui devait porter sur cette partie du cours. Et donc, et là, il a réussi. Hola général, c'est un héros. Il y a eu, les commentaires sont assez impressionnants. Tous les super-héros ne portent pas des capes. Voilà. Et du coup, l'enseignante a tenu sa promesse et quand même, elle leur a demandé de travailler le cours. Ou alors, elle voulait pas se fouler pour corriger les copies. Ouais. Ah, la poubelle, pas si grosse que ça, tu vois. En tout cas, il a pas fait de boulettes en lançant ça, alors. Non, je savais pas qu'à la fac aussi, on lançait des boulettes. Je pensais que c'était qu'au collège. Ça s'arrêtait au collège. Non, non, bon, ça continue. Tu parles, après, t'as des degrés dans la boulette. C'est ça, parce que nous, c'était des petits bouts de papier. Là, visiblement, c'est des gros trucs. Ouais, parce que tu commences par les avions, mais après, c'est pas suffisant. Et est-ce qu'on continue encore après, plus tard? Ouais, bataille. Ouais. Pardon. C'est 100 points pour toi, JB le nez. Oh, j'ai loupé. Elle m'a raté. Oh, mais ça travaille. Ah, lunettes, gagné. Bon, bah, vous faites la même chose dans votre voiture. On vous laisse. J'ai perdu toutes mes feuilles. C'est envie. Ouais, elles avaient déjà été imprimées recto verso, ça va. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Walking home and talking lows, seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. We're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change, and we're becoming something else. I think it's time to walk away. C'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Et il y a encore une journée mondiale aujourd'hui. On a vu que c'était celle de l'alphabétisation, mais c'est aussi en ce 8 septembre celle de la physiothérapie. Physiothérapie ou kinésithérapie. On fait en général remonter la découverte de l'utilisation de ces techniques aux travaux de sœur Elizabeth Kenny, une Australienne qui a commencé à travailler les principes de réadaptation des muscles au Queensland vers 1910 et ensuite installée aux États-Unis en 1940. Elle reste dans les mémoires pour ses traitements contre la polio. En fait, ces traitements, ces moyens physiques sont les actions mécaniques. On parle de thérapie manuelle, la chaleur ou le froid, on parle alors dans ce cas de cryothérapie, d'électricité, l'électrothérapie ou de l'eau ou de l'hydrothérapie. Et puis tant pis. Non, pas tant pis, justement, la suite de la ZIC, c'est dans une poignée de secondes sur NRJ avec Chrissy Hynde. C'est elle. C'était pas elle qui était la création des Pretenders ? Oh, peut-être bien que si. Énergie Nouméa. 93.5. Au revoir, Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qui faut envoyer, c'est Melbourne. De

matin de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Omar et Fred dans le service après-vente n'avaient peut-être rien inventé ou tellement bien mis en onde ces tweets et ces services clients. Et dans les services clients, il y a SFR qui a partagé sur la toile un tweet qui lui était parvenu le 18 juin 2014 à 9h19. On a retrouvé ça un peu dans nos archives. Et le tweet, c'est bourré faute d'orthographe. Tout à l'heure, j'ai appelé SFR et mon appel a été pris par un centre d'appel étranger. Comme d'hab, la meuf, c'était une Africaine, ça s'entendait. Et si ça s'entendait, il écrit S-A, plus loin, S-E-N-T-E-N-D. Bon, bref, le modérateur de SFR répond, bah, vous savez, en Afrique, il y a des gens qui parlent et écrivent parfaitement français, mieux que vous, peut-être. Boum, attrape ça. Il est 7h21, à suivre la météo. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Jusqu'au 18 septembre, c'est l'anniversaire Bricorama Dressing Module Kit. Deux tiroirs, quatre tablettes, une tringle à 19 900 francs seulement. Bricorama du lundi au dimanche matin, 6 rue Forest à Ducos. Déco, brico, bâti, jardin. Le meilleur choix, les prix bas, c'est Bricorama. Jusqu'au 18 septembre, c'est l'anniversaire magique Atlas JTM. L'ensemble machine à soda SodaStream et sa carafe filtrante Brita ont prix incroyable de 12 900 francs seulement. JTM Atlas, du lundi au dimanche matin, on continue à Ducos. J'essaie d'organiser un week-end en famille, mais quelle galère pour tout réserver. Va sur le nouveau site Reza.nc. Tu pourras réserver hôtel, gîte, restaurant, sortie en mer, karting, rando à cheval et plein d'autres activités en un clic. Avec Reza.nc, tu sauras ce qui est disponible pour tes dates et tu obtiendras des promos exceptionnels partout sur le caillou. Super ! C'est quoi le nom du site ? www.reza.nc. R-E-S-A. Reza.nc. Cliquez, réservez, économisez. T'es passionné de foot ou de futsal ? Ça y est, le complexe du soccer NC ouvre ses portes le 10 septembre en partenariat avec Énergie. À cette occasion, le soccer NC t'offre un voyage pour l'IFU pour deux personnes avec deux nuits au Tamanu Beach à la tribu de Mou. Deux petits déjeuners, le transfert aller-retour d'une valeur de 73 050 francs. Alors tente ta chance, envoie soccer au 41 et gagne un voyage pour l'IFU pour deux personnes. Tirage au sort du gagnant vendredi 9 septembre à 14h. Envoie soccer au 41. 360 Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Toute l'actu de la matinée sur Énergie. Avec Toyota, nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Le matin, toute l'actu locale, nationale et internationale, c'est sur Énergie de 6h à 8h, toutes les demi-heures. Avec Toyota, nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. L'info matin, c'est sur Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point avec Météo France. Ce matin, en loyauté, les nuages sont nombreux et s'accompagnent d'averses. Sur le reste du pays, le soleil domine, mais reste contrarié sur l'est par les passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Dans l'après-midi, les éclaircies gagnent du terrain. Sur le sud des loyautés, une averse n'est pas exclue à Ouvéa. Ailleurs, le soleil reste au rendez-vous et la Lisette de sud-est est proche de 20 nœuds sur l'extrême sud et l'île des Pins. Il souffle entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds sur le reste du pays et peu d'évolution du côté des températures. On est toujours dans une fourchette de 24 à 28 degrés du sud au nord. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs. Missing from the photographs. Watching through our fingers. Watching through our fingers. In my thoughts you're far away. And you are whistling a melody. Whistling a melody. Crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily. So easily. gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Et d'un coup t'arracher les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Je peux crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite. Faut bien filer à 100 à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur.

rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Et pour rire, Pierre Dio, Blanche-Neige. On était comme cul et chemise. Hein. Ah oui, comme cul et chemise. Bah oui, vu qu'elle repassait mes chemises et que je m'occupais de son... Donc forcément... Non, c'est pour ça qu'elle soit pas partie avec lui pour une question de pognon, ça fait mal. Hein. Ah si, elle est partie avec lui pour l'argent, hein. Ça c'est sûr. Hein. Puis alors là, vous avez beau avoir un physique avantageux, vous pouvez pas lutter, hein, non. Non, je sais pas ce qu'elle est devenue. Enfin, si, je sais qu'après son départ avec lui, les affaires ont commencé à battre de l'aile. Parce que déjà, ils ont été obligés de vendre le château. Ensuite, elle s'est mise à boire parce qu'elle pouvait pas avoir l'enfant. Contrairement à ce qu'on disait, d'ailleurs. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, ils avaient trouvé un petit squat dans le 19e. Ouais. Ben, est-ce que je lui en veux à qui? À Blanche-Neige? Ah, au prince? Ah oui. Ah oui, je lui en veux au prince, quand même. Parce que Blanche-Neige, avec nous, elle avait trouvé un équilibre, hein, quand même. Hein. Parce qu'elle sortait d'une période difficile au château. Hein. On en a parlé un jour avec le chasseur, celui qui a tué la biche pour écœurer la reine. Bon, bah, lui, il voyait bien que Blanche-Neige était exploitée. Bah, parce que l'autre était jalouse. Hein. Oh, ah, et... Puis alors là, le miroir, elle n'a pas été très malin non plus. Hein. Bah, non, mais aller raconter à la reine ce que c'était Blanche-Neige la plus belle, pour un miroir, sans jeu de mots, il aurait pu réfléchir un peu. Hein. D'ailleurs, je lui en voulais plus à lui qu'au prince. Hein. Parce que bon, quand même, le prince, quand il est arrivé sur son cheval blanc, comme ça, bon, il nous a tous épatés. Hein. Bon, bah, d'abord, il a réussi à ouvrir la boîte en plexiglas. Bon, bah, c'est sympa. Et puis, bon, bah, quand il a embrassé, alors là, on a dit chapeau, bah, elle était plus très fraîche, hein, quand même. Et puis, alors, quand elle a ouvert les yeux, là, on en est resté comme de rond de flanc. Hein. Bah, je revois la tête de prof, il était pas fier. Hein. Bah, c'était lui qui avait fait l'autopsie, là, forcément. Je veux dire, prof. Elle était sympa, hein. Mais il avait un petit côté, vous savez, monsieur je sais tout, hein, qui nous énervait un petit peu à toujours nous répéter, qu'il avait fait mai 68, qui donnait des cours à Nanterre, qui avait fondé le festival du jeune Zéma africain d'Olivry-Gargan. Bon. Hey, parce que l'idée de la bergerie dans l'Arzac, c'est lui qui l'avait eue. Hein. Bah non, on vendait pas de fromage, on savait pas les faire, nous, les fromages. Le seul qui avait la technique pour les fromages, c'était Dormeur. Hein, puisqu'il était fils de berger corse, donc forcément, lui. Il avait la technique, hein, il avait la technique. Mais alors, il avait pas le rythme, hein, non. Qu'est-ce qu'on a pu se foutre de sa gueule, le pauvre, si on avait su. Mais il aurait dû prendre ses précautions avec Grincheux aussi. Alors que. Grincheux, ils sont les sortis avec la trithérapie, tout ça. Maintenant, il a été engagé dans des pavillons en Suisse. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'avec son caractère, ça fait 7e pavillon qu'il se fait renvoyer. Parce qu'à un coup, il est pas content d'être en haut du moulin parce qu'il va attraper froid. De côté du bassin parce qu'il y a des moustiques. Après, il veut pas être à côté des fleurs parce qu'il est allergique. Enfin, les gens en ont marre. Ils achètent une poterie. Et... Alors, simple. Oui, non. C'est pas grave. Ah non, parce que. Non, Simplet, ça m'a fait plaisir. Simplet, ça m'a fait plaisir, mais je sentais qu'il réussirait. Ah oui, je sentais. Ah oui, lui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire de la politique, lui. Ah oui, ah, ah, ah. Alors maintenant qu'il est à l'UMP, alors là. Ah, ah. Oui, alors je pense que c'est gagné, hein, c'est gagné, hein, c'est gagné, ouais. Bah j'ai su tout ça par Joyeux. Ouais, ouais, oh, un type en or, et toujours la banane, ouais, c'est pour ça qu'ils ont pris Euro Disney, hein, toujours content. Bah c'est lui qui nous a annoncé le suicide de Timide. Ouais. Ah il s'est pas raté, hein, non, non. Dans le métro. Non, non, il s'est pas jeté sous le métro, il s'est mis en bas des escalators. Alors 6h du matin, quand tout le monde est descendu, il s'est fait. Il paraît que c'était pas beau à voir. Une pizza avec une pioche et un bonnet. Bah il était amoureux de Blanche-Neige comme nous, mais alors lui ça le rongeait, il se repassait la cassette, tout ça. Et puis un jour c'est le prince qui l'a embarqué, hein, c'est pour ça nous le prince. Moi j'ai repris la mine, oui. Oui, oh, ça se passe bien. Moi j'ai racheté les métiers à tisser de la Belle au Bois Dormant et puis on vit ensemble. Mais moi ça me dérange pas de vivre avec une insomniaque, non. Faut pas qu'elle travaille noir pour pas se faire piquer. Excuse-moi, c'est pour quel journal? Pomme d'Api? Mais c'est pour les enfants alors? Oh ben non, ne racontez pas tout ça. Oh non, non, ben non. Ben non, ils régleront leur compte plus tard. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. Thank you. car ma vie, oui, c'est la galère. Au bien des miens, soucis, vie sous terre. J'ai trop de tristesse, ma vie est amère. Mais bon, il faut que j'avance. Putain, la vie, c'est pas des vacances. C'était bien le temps de l'enfance. C'était bien le temps de la souciance. Plus tu grandis, plus y'a de la souffrance. Ici, c'est déjà l'enfer. Crois-moi, j'ai déjà tout perdu. Donc je n'ai plus rien à faire. La vie m'a trop mis à terre. Parfois, je me dis que je suis maudit. Si j'avais une bonne étoile, elle m'a abandonné depuis petit. Ici, je marche dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. J'encaisse les coups que la vie me donne. Sans envie de suicidaire. Moi, je suis trop fort pour ça. Je suis pas un lâche qui vit des problèmes. Ma vie part en sucette. Donc logique, j'ai écrit sur ce thème. Normal, j'écris sur moi-même. Quelque chose de confidentiel. Dans ma vie, le ciel est toujours gris. Il n'y a jamais d'arc-en-ciel. Ma vie n'est faite que de peine. Oui, elle n'est faite que de pleurs. Ma vie n'est faite que de ton. Oui, elle n'est faite que de fleurs. J'ai mal. Mal au cœur. Et rien ne change. Non, rien ne change. Rien ne change. J'ai mal. Mal au cœur. Et rien ne change. Non, rien ne change. Rien ne change. Tu donnes de l'amour, on se sert et on t'abandonne. Même quand tu fais le bien, y'a toujours le mal qui te cogne. Ici, j'ai trop souffert et crois-moi, rien n'apaise ma douleur. Parfois, je me demande qu'est-ce que je fais pour mériter ces malheurs. Ici, je me lève chaque jour avec ces douleurs dans la poitrine. La vie est une alliée de la mort, c'est elle qui nous assassine. Ici, y'a de quoi perdre la tête comme avec une guillotine. Je suis perdu dans une nuit sans lune, dans sans lumière qui m'illumine. Ma vie, c'est un champ de mine, c'est dingue, tu sais, mais je respire encore. La vie, c'est une maladie, oui, comme un cancer qui nous dévore. Je fais fort, malheureusement, trop de peine, ça abîme le corps et l'esprit. Déception sur déception, ça fout la merde, ça amplifie. Ma vie, elle part en vrille, mais t'inquiète, je respire encore. La vie reste un défi, la délivrance sera la mort. Je fais fort, malheureusement, trop de peine, ça abîme le corps et l'esprit. Déception sur déception, ça fout la merde et ça l'amplifie. J'ai mal. Mal au cœur. Et rien ne change. Non, rien ne change, rien ne change. J'ai mal. Mal au cœur. Et rien ne change. Non, rien ne change, rien ne change. J'ai mal. Vous écoutez Énergie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami des picots. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Alors, la période 2000-2001, eh bien, c'est la période qui permet de voir Pink arriver au sommet des charts. Eh bien, c'est son anniversaire. Elle a 37 ans. Allez, on tape un petit peu dans sa discographie, par exemple, avec Stupid Girls. On a aussi True Love. Bon anniversaire encore à l'ancien footballeur devenu consultant pour la télé, repéré par ses commentaires il y a quelques années avec le regretté Thierry Laurent. C'est Jean-Michel Larquet qu'il s'agit, il a 69 ans. 45 ans pour l'acteur David Arquette. Alors il commence sa carrière d'acteur en 1992 dans le rôle de l'ami de Luc Perry dans le film Buffy, tueuse de vampires. En 1996, il devient une vraie vedette grâce à ses rôles dans Scream et ses trois suites, ainsi qu'à sa courte participation à la série Friends. Et puis on a aussi les 62 ans pour l'acteur Pascal Grégory. Et puis le journaliste Jean-Michel Apathy a 58 ans. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle-Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Sawadika. Kanikata et bien-être au quartier latin de 9h à 20h du lundi au dimanche au 29 89 89 et sur Facebook. Parking assuré. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Jusqu'au 18 septembre, on est si bien dehors avec Monsieur Bricolage, Ducos et Kenuin. Coussins pour fauteuil, dossier haut multicolore, 1990 francs. Tuyaux anti-torsion, 15 mm de diamètre, 25 mètres de longueur, jaune, 2290 francs. Monsieur Bricolage, Ducos et Kenuin. On peut compter sur lui. Deux magasins plus proches de chez vous.

Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Bonjour, il y a 2-3 nuages, mais c'est pas grand-chose par rapport aux pluies qu'on a pu connaître hier. Ouh là là là là. Alors, bonne fête à Adrien et Adrienne. Oui, mais j'étais en deux roues quand il a plu, donc pouf, trempé. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Et voilà l'info, c'est avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Retour sur l'attaque mortelle de requins. Au regard de la taille de la morsure à la cuisse droite, les spécialistes pensent qu'il s'agit d'un requin-tigre qui devait mesurer entre 3,20 m et 3,50 m. Le jeune homme de 19 ans qui a avoué avoir violemment agressé le diacre et son épouse Inano à leur domicile de Coutiou a donc été bien placé en détention provisoire au camp Est. Les 5 autres jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire. Avis aux usagers de la vidéo, la voie de dégagement ouest. Depuis ce matin, la bretelle de sortie en direction de Rivière-Salée est réduite à une voie pour cause de chantier du futur Néobus. Puis le gouvernement qui a examiné un avant-projet de loi pour créer et encadrer le statut de délégué de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Une voiture contenant plusieurs bonbonnes de gaz retrouvée le week-end dernier au cœur de Paris sans dispositif de mise à feu. Une découverte suspecte qui a déclenché sur fond de menaces d'attentat une enquête antiterroriste et l'arrestation de 2 personnes. Au deuxième jour de son procès, Jérôme Cahuzac avoue tout. L'ancien ministre du budget a assumé ses actes. Ce que j'ai fait, dit-il, est accablant. Et puis les peurs liées à l'alimentation ne cessent de croître dans le monde. C'est l'un des principaux enseignements de l'étude TNS Sofres sur les attentes des consommateurs. Et puis l'UNICEF qui est inquiète. Près de 50 millions d'enfants à travers le monde vivent déracinés après avoir été obligés de quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres, des violences et des persécutions. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. On débute par l'US Open. Et Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont donc qualifiés pour les demi-finales du double de cette US Open. Les tenants du titre ont dominé avec autorité la paire suédo-pakistanaise. Du côté des femmes, Carolina Pliskova s'est qualifiée pour sa première demi-finale en dominant nettement la Croate Anna Kondju. En demi, la Tchèque jouera Serena Williams ou Simona Halep. Philippe Bergerot est proche de la sortie. Et oui, moins d'un mois après l'élimination de l'équipe française de foot en quart de finale des Jeux Olympiques face au Canada. C'était 0-1 le score. Une séparation entre le sélectionneur Philippe Bergerot et la Fédération française se profile. Le comité exécutif de l'instance devrait d'ailleurs entériner son départ jeudi matin. En golf, Tiger Woods est de retour. Et oui, sans nouvelles depuis quelques semaines, Tiger Woods est enfin sorti de sa réserve et il annonce son retour prochain en compétition officielle. L'Américain n'a plus foulé les parcours depuis plus d'un an et a donc annoncé sur son site qu'il espérait jouer dans un mois. Ça sera lors du Safety Open du 13 au 16 octobre en Californie. Et après les JO, Rio rallume la flamme pour les Paralympiques. Les athlètes paralympiques de l'équipe de France Handisport vont donc entrer en scène dans le stade de Rio à partir du jeudi. Transformer les médailles d'argent de Londres 2012 en médailles d'or. Voilà le pari des 126 athlètes de l'équipe paralympique âgés de 16 à 55 ans. Arrivés à la 16e place lors de la précédente édition, les tricolores visent le top 10 à Rio. Et puis, star de la pop russe en live, discours de Vladimir Poutine, lu par le ministre des Sports, privé de Jeux Paralympiques de Rio. La Russie a organisé sa propre compétition dans la cérémonie d'ouverture mercredi, coïncidée pile avec celle des Jeux officiels. Énergie, énergie. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Oh, mais qui c'est qui tousse dans mon micro? C'est moi! Elle fait tout. Oui, c'était tout. Parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Exactement. Et dans son corps. Et dans mes petites mains. Sauf que des fois, je me trompe de bouton. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Ben oui, on est jeudi, on se rapproche du week-end, donc ça va aller encore mieux. Aujourd'hui, eh bien dans Music News à 8h30, on parlera de David Hallyday, qui depuis 6 ans n'a pas fait un comeback. Mais ça y est, c'est décidé. Il nous a pondu un petit single avec des jolies petites paroles. Et puis Môme aussi, le groupe, enfin le DJ qui a le vent en poulpe. Comme on dit, il est originaire de Nice. Présente chante à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça, ça en poulpe. En poulpe. Moi, j'ai dit, il a le vent en poulpe. Tu dis ce que je veux d'abord. Ça fait pas le même effet. C'est pas grave. Et puis, je vous parlerai de certains petits bouquins. Tiens, pour par exemple rester en forme, être en forme pour les nuls, ou encore le cahier corps de rêve pour les paresseuses. Ça te parle, hein? Quoi, t'as essayé? Bah oui, bien sûr. Moi, je suis très paresseuse. Et alors, ça marche quand? Bah regarde-moi. Oh putain. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur ce matin. C'est vous qui êtes dissipé depuis tout à l'heure. Pas du tout, on n'a pas fait de bataille de boulettes. Si, vous de avez papier. Fait des batailles de boulettes. C'était des boulettes de quoi? J'en sais rien, mais c'était des batailles de boulettes. On va écouter Drake et Rihanna, Coldplay, mais tout de suite, ce sera Switchfoot. C'est un groupe... J'en prends mon souffle. C'est un groupe de rock alternatif chrétien originaire de San Diego, en Californie, qui se trouve aux États-Unis. Bah, bravo. C'est long la phrase. So I can feel it. Oui, il démarre vite, lui. So I can be near it. Baby says she's got that feeling. Amen. Moonwalking on the ceiling. It's alright. Essence noble, bois de construction, agencement, découvrez toutes les nouveautés des Bois du Pacifique sur Facebook et profitez de notre expertise et de notre espace bois à Ducos. Hey les filles, samedi 17 septembre au Cartel, c'est le Chip 'n Dale's Australia Show. De nombreux lots à gagner et un show de Chip 'n Dale's australien inoubliable. Prévente à la boutique Olala, au Saint-Trope, au Cartel et sur eticket.nc. Le Chip 'n Dale's Australia Show, c'est pour vous les filles, samedi 17 septembre.